Un métier, une passion, en compagnie de Benjamin Van Delt, professeur de cosmologie théorique à l'université Pierre et Marie Curie, directeur du laboratoire d'excellence Institut Lagrange de Paris et membre de la Société américaine de physique. Benjamin Van Delt, bonjour. Bonjour. Alors, comment êtes-vous devenu astrophysicien? À vrai dire, le moment où j'étais capturé par la science, c'était très tôt dans ma vie. J'avais environ 2 ans et j'ai un frère qui est beaucoup plus âgé que moi. Il a 12 ans en plus que moi. Et là, à l'école, il a fait de la chimie. Et je pouvais lire à un âge très, très, basse, très bas. Et j'ai déchiffré le mot chimie sur le bouquin qui était sur la table. À 2 ans? Oui, ouais, j'ai commencé à lire très tôt. Ouais. Et je lui ai posé la question, c'est quoi la chimie? Et... Bon, comment est-ce qu'on explique à un enfant de 2 ans que c'est quoi la chimie? Il m'a dit c'est ce qu'on fait pour faire des explosions. Et c'était ça qui m'a attrapé. Capturé. Et après, bon, j'ai essayé de lire tous ces livres, tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. Et bon, ça m'a beaucoup intéressé. En fait, là, j'ai vu en grandissant que la science, c'est la magie, mais en vrai. On peut faire des choses absolument extraordinaires, mais c'est reproductible. On ne triche pas. En fait, il n'y a pas de trucage. Pas de trucage. C'est de la magie, mais en vrai. Et bon, après, ça a évolué un petit peu. Je me suis intéressé à la physique et aussi à la biologie. Je n'étais pas du tout sûr à un moment donné quand il me faudrait une décision. Quoi choisir pour quoi étudier. Et là, j'ai choisi la physique parce que j'avais l'impression pour une vie dans la science, la physique, c'était une base qui pourrait m'amener en fait, dans beaucoup, beaucoup de directions après. Et de plus en plus, je me suis intéressé à la physique théorique. En même temps, à la fin de mes études, j'ai compris que la physique théorique en soi, c'est très intéressant, mais c'est un peu stérile sans les données. Parce que là, à la fin, la science, c'est à la fois la théorie, mais aussi les données. Et là, après, je me suis lancé, parce que là, dans la cosmologie, l'astrophysique, il y avait beaucoup de données et sur un sujet extrêmement profond et fondamental. Mais ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des rêves, mais ce sont des vraies données. Et on peut dire des choses de vraies, sans trucage, sur le début de l'univers, par exemple. Des choses comme, c'est ça. Et puis le début de l'univers, c'est un Big Bang, c'est ça qui a pu vous attirer aussi. Voilà, les explosions. Est-ce qu'il y a des lectures dont vous vous souvenez, en particulier, à part évidemment ce livre de chimie de vos 2 ans, est-ce qu'il y a des ouvrages qui vous ont marqué? Bon, il y a beaucoup d'histoires. J'ai évidemment lu le livre de Hawking avant d'étudier, mais après, c'est plutôt, pour moi, c'était plutôt l'exemple de certains personnages dans le métier. Par exemple, là, j'ai étudié à Imperial College à Londres, et il y avait Tom Kibble qui était là, professeur de physique, et j'étais très très impressionné par cette personne. C'était un grand physicien qui a contribué très d'une façon extrêmement profondément par exemple à la théorie des particules, le modèle standard de la physique des particules, mais en même temps c'était une personne très modeste et très approchable. Et c'est de trouver des gens comme ça, parce que là, des fois, dans la science, il y a des personnalités un peu il y a des conflits, des fois il y a des personnages qui sont là pour leur propre gloire, et de trouver des gens comme ça avec une modestie et en même temps une brillance intellectuelle, ça m'a attiré dans cette direction. Et j'avais beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de pouvoir interagir avec des gens extrêmement intéressants dans ce métier. Vous avez, quand on lit un peu votre CV, quand on voit votre parcours, donc vous l'avez dit, vous avez étudié à l'Imperial College, mais après vous avez beaucoup bougé. Qu'est-ce qui fait qu'on bouge à ce point lorsqu'on est astrophysicien? C'est un mélange des choses. Par exemple, il y a aussi là où il y a les postes, c'est un peu ça. En même temps, il y a une attente de construire un réseau et de voir comment se fait la recherche dans différents environnements. Là, après Imperial College, j'ai fait mon premier poste de recherche à Copenhague, dans l'Institut de Niels Bohr. Après, j'ai allé à Princeton. C'était encore un environnement très, très différent. La façon... aux États-Unis, c'est une autre façon, un petit différent de comment on fait la science là-bas. C'est juste un aspect culturel qui fait la différence. C'est quoi? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est en fait de bonnes choses et on en parle. C'est un peu comme ça. C'est pas cette image qu'on a d'un scientifique qui est dans son labo, qui parle à personne, qui travaille, qui écrit des articles. Mais il est très très important de dire ce qu'on, d'en parler et de communiquer. C'est la communication. Je pense que là, ça commence aussi en France. Et évidemment, c'est l'espace qui fait un très, très bon travail là-dessus. Mais aussi les scientifiques eux-mêmes. Mais je pense que là, aux États-Unis, ils ont commencé un peu plus tôt de faire une vulgarisation de la science et une communication de la science à la fois au grand public, mais aussi à leurs compères. Et je pense que c'est un aspect très intéressant. Et c'est aussi la façon de faire de la recherche dans les universités. La recherche est très liée avec l'enseignement. C'est pas divisé en deux. Je pense que ça donne beaucoup de vie aussi à la recherche. Parce que là, quand on essaie de communiquer l'intérêt d'un sujet à 150 étudiants dans une salle comme ça, on se rend compte très rapidement si c'est vraiment intéressant ou pas. Et ça influence aussi la choix des directions de recherche. Je pense que c'est enrichissant. Alors justement, vous êtes donc professeur de cosmologie théorique à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes en France depuis 6 ans maintenant. Oui. 6 ans maintenant, donc vous commencez à avoir du recul, j'imagine, et un regard extérieur sur la façon dont la recherche se fait en France. Justement, comment vous jugez-vous la façon dont l'astronomie et la physique en général est enseignée dans nos universités? Bon, je vais pas. Ça, vous mettez dans une situation un peu. Je demande ça au professeur d'université. Non, en tout cas, on peut poser la question autrement. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et qu'est-ce qui est déjà très bien? Bon, je pense que là, par exemple, j'ai eu des expériences extrêmement positives avec les étudiants de thèse, par exemple. J'ai fait beaucoup d'enseignement à ce niveau-là. Et il y a à la fois une curiosité, une sérieusité qu'ils apportent en fait, à leurs études qui m'impressionnent. Moi, je suis européen et je trouve aussi qu'il y a une sensibilité commune avec les étudiants européens ça se passe un peu différemment aux États-Unis. Je pense que là, aux États-Unis, il faut surtout... être un entertainer, être garder l'intérêt. Oui, parce que là, par exemple, aux États-Unis, pour les étudiants, surtout à niveau licence, il faut vraiment, faut faire un show pour attirer leur intérêt. Ici, je pense qu'il y a, c'est un peu moins comme ça, mais je pense que s'il y a un respect mutuel entre les étudiants et le professeur, ça se passe très bien. Et j'ai eu des expériences très positives, en fait, là, en France, avec les étudiants. C'est aussi, il faut dire que les étudiants ici sont très internationaux aussi. et ça enrichissait aussi. Dernière question, là je pense à nos auditeurs qui seraient des lycéens et qui nous écouteraient, qui auraient envie de faire de l'astronomie. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Suivez vos intérêts. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes intéressé, si vous vous intéressez à la science, qu'est-ce que vous en faites ? C'est à vous de trouver des activités, de vous lancer dedans. Je sais qu'en France, il y a beaucoup d'écoles, ça serait peut-être presque toute la journée. Ça laisse peut-être peu de temps, mais je pense que c'est vraiment... venez nous contacter, par exemple. Je pense que les professeurs et même les chercheurs du CNRS, ils étaient ravis d'avoir des questions, de voir l'intérêt du grand public et surtout de la génération, la prochaine génération des chercheurs et des professeurs. Suivez des cours, allez dans la... en France, il y a des... le Festival de la Science, la Fête de la Science, c'est ça. La Fête de la Science, il y a beaucoup de programmes à l'IAP, par exemple, l'Institut d'Astrophysique de Paris où je suis, à l'université. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, lancez-vous dedans et c'est vraiment ça le conseil que je peux donner. Très bien, donc venez nous voir dans nos laboratoires. Les chercheurs sont des gens très accueillants. Des fois, en fait, je reçois des mails des lycéens avec des questions et ça ne m'embête pas du tout. Alors, allez-y. Très bien, merci beaucoup. Nous terminerons sur cette invitation. Merci beaucoup, Benjamin Mandel, pour cette participation à notre émission de Ciel Espace Radio. Merci.